faisons nos valises et partons pour la tour de Pise. Allez, faisons nos valises et partons à Venise. Mais c'est tout le temps la même chose, et c'est tout le temps des voyages à la con. Partons à la paix.